Trop parler, nuit, par Paul Acker. Il n'existait pas sur la terre de meilleur garçon qu'Athanase Blaisois, propriétaire d'une grande imprimerie à Nancy, et comme il n'était point avare, il aimait à donner à ses amis et connaissances d'excellents dîners et de brillantes soirées. Chacun louait sa bonne humeur, sa gaieté, son entrain. Un banquet, organisé pour fêter sa nomination dans la Légion d'honneur, avait réuni, tant il était populaire, 500 convives. Un peu hâbleur, certes, mais si gentil, on l'appelait dans la ville amicalement le Marseillais de Lorraine. Âgé de 38 ans, il était svelte, leste et avec sa décoration, il avait facilement l'air d'un officier. Rien d'ailleurs ne lui causait plus de plaisir que d'être salué militairement par les contrôleurs du tramway ou par des recrues naïves, car il avait l'âme guerrière et il ne manquait jamais une revue, une retraite ou une parade. Ce matin d'avril, Athanase, invité au mariage d'un cousin, à Paris, prit à Nancy le train de midi. Il fut seul dans son compartiment jusqu'à Bar-le-Duc, où monta un homme, du même âge que lui à peu près, et comme lui, décoré. Il le regarda à peine, et allumant une cigarette, continua de lire une brochure sur les manœuvres de l'automne dernier. Le voyageur, cependant, après avoir parcouru un journal, s'agitait, ne sachant comment tuer le temps. Il avait dans le couloir, considérant d'un œil vague le paysage, revenant dans le compartiment, s'asseyant, se relevant, s'asseyant de nouveau. Enfin, il trouva un moyen d'engager la conversation. « Puis-je baisser la vitre, monsieur ? » demanda-t-il. « Mais sans doute, monsieur, » répondit Athanase. L'inconnu se rassit, puis se pencha. « Excusez-moi, monsieur. » « Ne seriez-vous pas officier ?» Agréablement étonné, Athanase céda tout de suite à la joie vaniteuse de passer pour ce qu'il n'était pas. « En effet, monsieur. » L'autre s'inclina et tendit sa carte. « Je suis moi-même officier, capitaine de dragons à Provins. Le capitaine Sévra. En ce moment, je suis en permission chez mes parents. Vous êtes cavalier aussi, cela se voit. » De plus en plus flatté, Athanase confirma. « Naturellement, naturellement. » Il expliqua. Dans les chasseurs, à Nancy, au 15e. Le capitaine, il allait dire son nom, Blaisois. C'était une faute. Le capitaine de dragon savait peut-être qu'il n'y avait pas de Blaisois dans les cadres du 15e chasseur. Il dit le nom d'un capitaine qu'il connaissait, Faugière, et s'excusa de n'avoir pas de carte sur lui. Il était parti si précipitamment. C'est un beau régiment, déclara le capitaine Sévra. J'ai eu comme lieutenant-colonel votre colonel. Le colonel de Souli, dit Athanase. Il imprimait souvent des papiers pour le 15e chasseur et entretenait par là avec le colonel de très bons rapports. Il pouvait donc parler de ce grand chef et aussi de quelques officiers. Il était lancé, rien ne l'arrêtait plus. Il parla de son escadron, de ses lieutenants, de ses chasseurs. Il parla du service si dur mais si intéressant dans l'Est. Il parla de la guerre toujours prochaine et de la façon dont on s'y préparait. Il parla mitrailleuse, lance et mousquetons. Il parla de ses années de Saint-Cyr et de son année de Saumur. Il raconta encore les petits potins qui animent la monotonie des garnisons. « Vous allez à Paris ? » interrogea le capitaine Sévra. « Oui, » dit Athanase, « au mariage de mon cousin Botan. » « Tiens, » s'exclama le capitaine, « moi aussi. »« Ah bah !» fit Athanase interloqué. « Je suis cousin de la fiancée. »« Enchanté, enchanté. » balbutia Athanase. Sa faconde était tombée. Il se taisait. Et il aurait donné son âme au diable pour attraper tant de paroles imprudentes. Mais le diable ne se montrait pas. « Ce sera un très beau mariage, » dit le capitaine. « Il y aura beaucoup d'uniformes. Toute la famille de ma cousine est dans l'armée. Vous retrouverez beaucoup de camarades. » « Enchanté, enchanté !» répéta Athanase. Il souhaitait maintenant un accident, pas trop grave, mais qui interrompit le voyage et lui permit de ne point arriver à Paris, ou un malaise qui saisit le fâcheux et l'obligea à réclamer les soins d'un médecin à la première station. Le train passait à Châlons et filait vers Épernay sans tamponnement, sans déraillement, et le capitaine respirait une santé insolente. « À quel hôtel descendez-vous » interrogeait l'officier. « Je ne sais pas, n'importe lequel, » bredouilla Athanase. « Alors venez avec moi, rue Scribe, c'est un hôtel excellent. » Athanase eut un sursaut d'effroi. Il voulut refuser, mais il perdit l'esprit et il répondit, stupéfait d'entendre ce que sa bouche prononçait. « C'est cela, entendu, entendu. » Puis, n'en pouvant plus, il appuya la tête contre le coussin et se mit à dormir. À la gare de l'Est, le capitaine lui tapa sur l'épaule. « Eh, réveillez-vous !» Et, obligeant, il lui tendait son sac et son manteau. Athanase le suivit. Il espérait un miracle qui le délivra. Le miracle se présenta sous les apparences d'un agent d'octroi. Ce fidèle serviteur arrêta le capitaine Sévra et soupesa sa valise. Elle lui sembla trop lourde, pour ne contenir que des vêtements, et il intima l'ordre de l'ouvrir. Sa main habile en retira un litre de kirsch. « Votre affaire est bonne, » dit cet homme sévère, et il conduisit l'officier à un petit guichet. « Entendez-moi !» cria Sévra. « Oui, oui !» jeta Athanase. En même temps, il franchissait la porte. La porte franchie, il traversa la place et rentra dans la gare. Un train pour Nancy partait vers 5 heures. Il y monta. Avec la légèreté heureuse d'un prisonnier qui s'évade, composant déjà la dépêche mensongère qu'il enverrait à sa cousine. C'était « Trop parler, nuit » par Paul Acker.